cours numéro 4. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-sabiq, na'am al-muqaddima, wa kadhalik ما يتعلق بمذهب السلف في الأسماء والصفات وذكرنا كلام بعض أهل العلم في هذا فمن يستطيع أن يلخص مذهب السلف في الأسماء والصفات عند شيخ آخر شعور ذكر شعور سنة تيمية أنهم مذهب السلف يصفون الله بما وصف به أحسنت يؤمنون بما وصف الله به نفسه ça c'est مهم لأن on va tirer les قواعد qu'on a vu ensemble يؤمنون donc بما وصف به نفسه بما وصف به الناس ورسوله وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تنسيب ولا تأويل أحسنت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل تسع عقيدة السلف في الأسماء والصفات وهذا الإثبات أي أن chaque مؤمن doit croire au nom et aux attributs d'Allah سبحانه وتعالى إيمان إثبات وهذا الإثبات on avait précisé أنه une règle في هذا تفضل tu l'avais cité أخي عد إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل هذا مهم أن هذا الإثبات وهذا التنزيه on doit faire attention de ne pas suivre أهل الأهواء في هذا الباب وفي غيره بل مذهب السلف il est clair أنهم كانوا يثبتون بلا تمثيل وينزهون الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب إلى آخره بلا تعطيل فما معنى قوله إثبات بلا تمثيل تفضل زد نعم أي نؤمن بالصفة التي جاءت في القرآن والسنة مذكورة في القرآن والسنة لكن صافغ بالتمثيل فنثبت فالله سبحانه وتعالى إلى دمه إلى فيزاج إلى آخره فهذا لابد من الإيمان ومن الإثبات لماذا للناس يزيدون dans les textes لكن بلا تمثيل وما معنى قوله تنزيه بلا تعطيل تفضل لكن قوله تنزيه تنزيه وتعطيل c'est deux mots فتنزيه بلا تعطيل tu dois faire du تنزيه لكن sans faire de تعطيل Comme on a fait du isbat. Isbat, c'est quoi? C'est l'iman. Tu dis qu'Allah, il a des noms et des attributs, il a appelé. Sans faire de tamthil, sans faire ressembler à la créature. Thumma qulna tanzihun. Donc tu dois faire hada tanzih vila ta'til. Taddal. Sifatul yaday. Sans faire de tamthil. Aïe, les mains ne ressemblent pas aux mains des créatures. Toujours fi sifatul yaday. Tanzihun vila ta'til. Tanzih mada? تنزيه أو تنزي الله سبحانه وتعالى عن المثلية والنقص والضعف دوس الصفة تنزيه بلا تعطيل فنحن نديك الله إلى صفة اليدين إثبات لكن on fait attention c'est lié au début de la qaïda لكن sans faire de تعطيل وإلا فأهل البدع والضلال من جهمية إلى آخره qu'est-ce qu'ils ont voulu faire هم تنزيه ils ont dit les mains Allah, les mains ne peuvent pas ressembler aux mains des créatures. Les mains, ça implique de la chair, des os, du sang. Il a akhiré. Hada tanzi qu'ils ont fait, ils ont exagéré. Attalou. Amma nahnu, on fait hada tanzi. On dit et on pense et on a la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble pas aux créatures. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de naqs, il n'a pas de da'af. Abadan. Lakin, sans faire de ta'til. Fa ithbatun, sans faire de tamthil. Et tanzihun, sans faire de ta'til. تنزيع ماذا عن النقص والمثلية تزاع المراد هنا أي الله سبحانه وتعالى لا pas d'imperfection et كذلك il ressemble pas aux créatures لكن ce تنزيع qu'on fait dans chaque صفة que Allah il ressemble pas aux créatures ça doit pas nous pousser à renier la صفة elle-même لا فصفة اليدين نثبتها لماذا لي هنا دليل هي لا ressemble pas aux mains des créatures لماذا لان الله سبحانه وتعالى منزه عن المثليه والنقص والضعف فسي اون ريغل تري تري امبورطون كذلك استفدنا ان الاسماء والصفات توقيفيه ما معنى هذا عند من تفضل الاسماء والصفات توقيفيه يجب الوقوف فيها على ما أحسنت أنه يجب أن نقف عند الدليل فلا نثبت إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وهكذا في النفي هذا إن شاء الله سيأتي معنا dans ce livre et dans d'autres livres. On avait précisé أن هذا الباب العظيم on doit s'écarter de quatre choses. تذكرون la première فضل التمثيل وهذا تقدم معنا سكو الدليل أحسنت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دونك نثبت الصفة كما نرى dans القاعدة لكن بلا تمثيل الله سبحانه وتعالى il a des noms il a des attributs لكن il ressemble pas aux créatures عز وجل واستفدنا un point مهم في التمثيل تذكرون كي زي كي se rappelle On avait cité une faïda mohimma, hein? Une autre chose, hada trokouh ba'd, hatta la nuksir alaykoum, hein? La yastalzimu tamthil. Aïe. أهل البدع لماذا يسون قاعدين هذا الباب لأن ils pensé que l'ishtirak fil ism أي الله il a des mains et l'être humain il a des mains ils ont pensé que forcément c'était la même chose لماذا لأنهم ils ont réfléchi avec la raison ils ont pensé que si tu dis qu'Allah il a des vraies mains c'est forcément comme les mains des créatures فعطلوا أو حرفوا إما ils ont déformé إما ils ont rejeté أما نحن لا Même si l'offre c'est le même, Allah il a une vie, l'être humain il a une vie, Allah il a des mains, l'être humain il a des mains, lakin ça n'implique pas une ressemblance, à peut-être. فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ عَزَّ وَجَلْ التَّمْثِيل, donc premièrement, deuxièmement, on a cité trois autres choses, عندما تفضل التعطيل, ما معنى التعطيل التعطيل إنكار الصفة, c'est rejeter la صفة عندهم est-ce qu'Allah il a des mains là c'est du ta'til est-ce qu'on a noté inshallah tastafidu dans tes notes mais la compréhension reste simple al-tamthil faire ressembler al-ta'til rejeter al-inkar inkar al-sifa et on avait cité une faïda anna jami' al-mu'attila ils se sont égarés limada ou pourquoi ils ont fait du ta'til c'est lié à ma taqaddam ahsan liannahum mathalu awwalan quand ils ont fait du tamthil وقعوا في التعطيل لماذا لان يصف تري الله يرسم باو كراتور سي حق الله يرسم باو كراتور لكنهم ils ont rejeté les صفات اما السني ولله الحمد يسك الله يرسم باو كراتور ويثبت الصفه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير troisièmement عندما تفضل التكييف ما معنى التكييف لا هذا التحريف نحن في التكييف لا بس الكيفية كيفية الصفة يذكرون كنها أو كيفية الصفة هذا التكييف في الحقيقة الموي إلي واضح سبوساك أحيانا تلما كسكلير أنا جمال أعرف لكن بك مثال فيقولون مثلا أن صفة اليدين هل سنكم سا أو كم سا هذا هو تكييف عيدا بالله pourquoi on ne doit pas faire de تكييف bien sûr parce que c'est interdit la أخير لكن On avait cité quelque chose. Comment faire du tekif d'une chose qu'on ne connaît pas? C'est min al-qawl ala Allah bila ilm. Kadhalik, stafadna anna yun kayfiyya. La tekif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de comment, il n'y a pas de kayfiyya. La shak anna yun kayfiyya, lakin la na'lamuha kama taqaddam. Si t'es une kayfiyya, ayyadam billah, c'est parler ala Allah bila ilm. L'an Allah azza wa jalla, il nous a informé an al-sifa, il ne nous a pas informé an al-kayfiyya. Dernier point, Aïndaman, Atfadal, At-Tahrif, même à At-Tahrif, Taghyiru, Taghyiru al-Lavd, Taghyiru al-Lavd, Naam, Imma, إما تغيير اللفظ إما تغيير المعنى هذا التحريف إما شانجي اللفظ عيدا بالله استوى استولى إما شانجي المعنى لما اليدين تغس القوة أو القدرة سيصاد التحريف أي تغيير اللفظ المعنى أو المعنى عن عن عن معناها الحقيقي كي السيتي في القرآن والسنة كي ينكم قي السلف فمثلا الأشاعرة دي محرفة لما بغو سي لا فورس سي لا بويسانس سي لا نعمة Alors que Salaf, ils n'ont jamais cité ces explications. Pourquoi ils ont fait du tahrif ? Toujours la même chose. Les mada ? Ils ont fait du tamthil. Ils se sont sentis obligés de, d'interpréter pour ne pas faire de tamthil. Enfin, ils ont déformé. Allah, il a des mains et ce n'est pas comme nos mains. Enfin, pas besoin de les déformer, c'est des vraies mains. Voilà. Et... On avait dit qu'on allait citer l'athar de l'imam Malik, rahimahullah, lakin naqra, lianna al-mu'allif, l'imam Abdul Ghani, al-Maqdisi, il l'a cité fi bab al-istiwa. Qala rahimahullah, fi bab sifat al-istiwa wal-ulu. Ce chapitre, c'est la première sifa que l'imam al-Maqdisi, rahimahullah, il a cité fi hadhihi al-risala. Et il a cité cette sifa awwalan, limadha lianna al-adilla kathira. Kathalik, المنحرفون ceux qui se sont égarés في هذا الباب ils sont كثير مع وضوح المسألة مع أن il y a beaucoup de preuves الإمام ابن القيم رحمه الله il a cité qu'il y avait 1000 preuves ou أكثر في العلو et مع هذا ils se sont égarés عيادا بالله et كذلك celui qui accepte هذه الصفة avec tous ces أدلة avec كلام أهل العلم فإن شاء الله تعالى il acceptera les autres صفات. Et celui qui rejette cette sifa, en général, il rejettera les autres sifat. Ou il déformera comme il a déformé. Fi hadhihi as-sifa. Al-haqiqa, tu as deux sifat, où al-adilla, ils sont kathira, et al-ulama, ils expliquent kathiran, ou yatawassa'oun. Tu as sifat ou al-ulu, ou al-istiwa, et tu as sifat ou al-kalam. Et beaucoup de gens, ils se sont égarés dans ces deux sifat. Al-jahmiya, ou al-mu'tazila, ou al-ash'a'ira, ila akhir. فلهذا لعله إلى ستة أولا ست صفة قال رحمه الله فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه عز وجل donc صفة الاستواء وكذلك في ستة أدلة في صفة العلو فلهذا المحقق إلى ستة كم تتر صفة الاستواء والعلو avant de lire l'adilla on doit comprendre أولا المعنى ça veut dire quoi الاستواء والعلو أما الاستواء فالسلف فسروه بمعان منها العلو والارتفاع والصعود c'est ça الاستواء c'est un lفظ qui montre ماذا العلو والارتفاع والصعود Et ces trois mots, ils se ressemblent. Et avec هذا المعنى, tu comprendras le lien avec العلو. العلو, c'est être au-dessus, s'élever. فالاستواء والعلو, في الحقيقة, c'est deux mots qui se ressemblent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ces deux صفات. ثم استوى على العرش, كما سيأتي معنا des preuves sur هذا. Et كذلك صفات العلو, وهو العلي العظيم. من أسمائه العلي. Ça implique صفات العلو. لله عز وجل. فpour simplifier الاستواء والعلو c'est بمعنى être au-dessus. فالله سبحانه وتعالى il est au-dessus du trône. Il est au-dessus des créatures عز وجل. وبعض العلماء يذكرون des فروق entre الاستواء والعلو لا شك que c'est différent. Même si المعنى معنى الاستواء c'est العلو لكن Il y a des différences. Enfin, parmi ces différences, un al-istiwa, c'est un ulu khas, et ala l'arche. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala qala inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyam thumma istawa ala l'arche. Vous avez remarqué que l'istiwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité, annahu c'est ala l'arche. Contrairement au ulu. Al-ulu, c'est C'est pas que pour l'arche. Donc si tu as compris ça, et on répète, al-istiwa c'est un ulu khas ala l'arche, amma l'ulu فعام شامل على جميع المخلوقات. Ça c'est une différence. أن الاستواء الله سبحانه وتعالى سيأتي معنا أنها صفة فعلية. Et هذه الصفة الله سبحانه وتعالى c'est une action qu'il a faite au-dessus du arsh, du trône. Donc Allah il est au-dessus du trône. أما العلو فالله il est au-dessus du trône, il est au-dessus des cieux, il est au-dessus de la terre, il est au-dessus de toutes les makhlouqat. Donc avec ce fort tu vois bien que al-istiwa c'est khasun ala l'arsh ou al-ulu c'est am, surtout Allah il est au-dessus de toutes les créatures. هذا اولا. كذلك من الفروق ان الاستواء صفه فعليه. Et هذا ان شاء الله on détaillera pas اليوم, on expliquera dans d'autres durous. و العلو c'est une sifa dhatiyya. Ay al-istiwa c'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait au-dessus du trône après avoir créé les cieux et la terre. Falihada, si on répète le verset, qala azza wa jal khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il a fait hadha al-fi'l al-istiwa après avoir créé les cieux et la terre. C'est pour ça que Allah qala thumma. هذا الحرف يفيد الترتيب والمهلة. أي après avoir créé les cieux et la terre, الله سبحانه وتعالى il s'est élevé au-dessus de son trône. أما العلو فسن صفة ذاتية. Avant la création de l'arche, avant la création des cieux et la terre, Allah il a toujours eu هذه الصفة. Il a toujours été au-dessus سبحانه وتعالى. Et هذا et إن شاء الله ça sera plus clair quand on aura étudié ensemble صفة الأفعال. Et sifatu dhat, inshallah, ça sera plus clair pour ceux qui n'ont pas entièrement compris. Amma al-adilla, fa al-imam al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, il a cité jumlatan tayyiba min al-adilla min al-Qur'an wa min al-Sunnah, fa naqra. Qala rahimahullah, fa min sifatillahi azza wa jalla allati wasafa biha nafsahu wa nataqa biha kitabuhu wa akhbara biha نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه فاستفدنا أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش أي سيلفي سبحانه وتعالى au-dessus de son trône. فقال عز من قائل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. فتوسى أدلة كلا ستي رحمه الله يعني مم شاهد أي قوله عز وجل ثم استوى على العرش وقال الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. ست verset du Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala il a informé annahu istawa 'ala al-'arsh, annahu il s'est élevé au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. كذلك في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم il a cité هذا الاستواء اي بهذا اللفظ استوى على العرش. اما الاحاديث qu'il a cité al-mu'allif rahimahullah il a pas cité de hadith في الاستواء أي avec هذا اللفظ الاستواء. لكن on peut les citer هنا في سنن الإمام النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال إن الله خلق السماوات والأراضين في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا حديث du professeur صلى الله عليه وسلم il est صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة أن الله استوى على العرش كما جاء في القرآن. كذلك حديث قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. Quand الله سبحانه وتعالى إلى fini la création استوى على عرشه. Il s'est élevé au-dessus de son trône comme c'est cité في القرآن الكريم. Et هذا الحديث كذلك إلى حسن. الاستواء على العرش, on a sept versets du Coran al-Karim que le Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah il a cité, et on a كذلك deux hadiths, hadith Abi Huraira ou hadith Qatada radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa naqala بعض العلماء الإجماع على هذا. قال الإمام الدارمي رحمه الله كما في النقض على بشر المريسي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته. L'unanimité des musulmans أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de ses créatures سبحانه وتعالى il est في العلو. وكذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ قال: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة إلى ستة plusieurs points sur lesquels la communauté sont unanimes, il n'y a pas de خلاف. قال أنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان بعلمه. الله سبحانه وتعالى il est au-dessus des créatures, subhana, et il est partout avec son ilm. Il connaît tout, Azza wa Jal. Hada naqlu al-ijma'. Donc on a des versets du Coran al-Karim, on a des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, et on a l'unanimité des savants ala dhalik. نقرأ لأدلة كلا سيتي رحمه الله. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. الشاهد فهو عنده، أي عند الله، سو كتاب إلى عند الله فوق العرش. Ça montre qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, il est fauq l'arche. Et on a plusieurs adillas. An al-arsh, c'est un makhlouq azim, c'est une créature, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de هذا l'arsh. J'ai vu le hadith, an al-arsh, c'est saqf al-jannah, c'est le plafond de l'jannah. Et la chaque an al-jannah, الجنة في السماء. قال وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. أما الحديث هذا لبخمي كونالويل في الصحيحين كما في الحاشية. إذا لفظ الإمام البخاري. وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن، كأنه هكذا ينظر ضبط الكلمة. قال: ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه. قال: ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك. Donc, هذا c'est un دليل pour te montrer أن العرش il est au-dessus des cieux. Et Allah سبحانه وتعالى il est au-dessus de ce عرش. الحديث قال المحقق صحيح، أي ما يتعلق بالمسافة بين السماوات وعلو الله. قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والقزويني. Donc, ce حديث كذلك il est صحيح. فاستفدنا أن العرش il est au-dessus des cieux et Allah سبحانه وتعالى il est au-dessus de ce عرش. وقال رحمه الله: وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من des femmes du prophète عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها. ومالك بن أنس رحمه الله في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. أما عن أم سلمة فضعيف كما قال المحقق. Et pour celui qui veut connaître les causes, il les a cités. أما عن الإمام مالك رحمه الله فصحيح. Et il est مشهور معروف عن الإمام مالك. الاستواء غير مجهول. Et dans un لفظ الاستواء معلوم. والكيف غير معقول. Et dans un لفظ والكيف مجهول. والإقرار به إيمان. إذا أن لفظ والإيمان به واجب. والجحود به كفر dans un lafd والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر الصحيح عن الإمام مالك رحمه الله في الحقيقة سين قاعدة كما تقدم معنا سين قاعدة في الأسماء والصفات. فالاستواء تأمل لقوله الاستواء معلوم أو غير مجهول. سنمنطق أن الصفات معلومة لماذا؟ أي on parle du sens. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بالعربية قرآنا عربيا أي ألفاظ العرب معلومة. فالاستواء معلوم عند العرب أي سبيه معنى العلو. فالله il est au-dessus de son trône. الوجه معلوم واليدان سي معروف في لغة العرب. Donc الصفة que ce soit l'istiwa ou autre معلومة si on a un dalil. أي on connaît le sens. On connaît le sens de القوة de القدرة de العزة de l'istiwa إلى آخر. قال والكيف غير معقول. تقدم معنا أن الكيف لا شك أن هذا الاستواء لا كيفية لكن غير معقول pour nous. لماذا؟ لأن ça fait partie de l'invisible. فغير معقول dans un lafd مجهول. On ne le connaît pas. Enfin, on n'a pas à citer de kayfiyya et on n'a pas le droit de demander. والإقرار به إيمان. Et dans un lafd والإيمان به واجب. On est obligé d'accepter هذه الصفة. الاستواء c'est حق. لماذا؟ لأن on a cité les versets du Coran al-Karim. On a cité des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. إجماع الأئمة. On n'a pas le droit de khalif. المخالفة بهذا الباب c'est très très grave. Et أئمّة السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ils ont accepté cette صفة sans demander comment ou pourquoi ou expliquer عيادم بالله avec la raison avec les passions comme ils font أهل الأهواء. On n'a pas le droit de délaisser la voix de هؤلاء الأئمة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فالاستواء معلوم. الله il est au-dessus de son trône. لماذا؟ لأن on a un دليل. الرحمن على العرش استوى. قال والإقرار به إيمان. Donc c'est واجب de croire en cette صفة. Rejeter cette صفة ou la déformer comme ils ont fait le جهمية المعتزلة الأشاعرة c'est من الضلال. والجحود به كفر. أما celui qui عيادا بالله يقع في الجحود أي رجت الدليل pourtant il sait que c'est من كلام الله il sait que c'est من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا il est على خطر. لا شك أنه c'est du كفر. لماذا؟ لأن c'est cité في القرآن. Enfin, rejeter le verset ou les versets où Allah subhanahu wa ta'ala il a cité l'istiwa, là je sais que c'est du kufr. Et dans l'autre riwaya qala al-imam Malik rahimahullah wa su'al anhu bid'ah. Limadha? Li'anna dans l'autre athar anna rajulan il a demandé al-imam Malik rahimahullah kayfa istawa الرحمن على العرش استوى كيف استوى أي كمو الله سبحانه وتعالى في الاستواء. فلمن مالك يؤسس هذا الكلام في الحقيقة من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام سيدفنوا قاعدة من غجل في الصفات. فإلو أغيبوندو الاستواء معلوم أي الاستواء إلي كونو si tu comprends la langue arabe فالاستواء معروف. الله إلي au-dessus de son tronc. والكيف مجهول on ne sait pas on ne connaît pas le كيف. والإيمان به واجب تي obligé de croire. السؤال عنه بدعة. Le demander الكيفية c'est une بدعة. لماذا؟ لأن السلف ils n'ont pas demandé. الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ils n'ont jamais posé cette question. Et كذلك c'est une question qui n'est pas utile. لماذا؟ لأن personne peut te donner la réponse. C'est Allah سبحانه وتعالى qui connaît الكيفية dans ce صفة. أما الإمام مالك رحمه الله c'est lui à qui cette question a été posée. Est-ce qu'il aurait pu répondre? Abadan. Rahimahullah. C'est pour ça qu'il a montré à هذا الرجل أن هذا السؤال c'est une bid'a. Ça nous montre, يا إخوان, أن في هذا الباب on fait attention à طريق أهل الزيغ والهوى, que ce soit le kuffar ou أهل البدع. Trop poser de questions, faire des comparaisons, trop réfléchir. هذا الباب العظيم, باب الصفات, c'est un باب, comme on a dit, من أمور الغيب توقيفي لابد من استسلام وانقياد. T'as pas posé de question. استوى, tu as compris le معنى, tu sais qu'Allah il est au-dessus de son trône. قف, arrête-toi ici. أما trop poser de question comment mais pourquoi il a arrêté, عياذ بالله ça pousse à l'égarement. فلهذا ce athar c'est une qaida azima. Et celui qui peut l'apprendre par cœur, fa tayyib. Et là, il a fait al-hajj, il a cité l'autre lafd, ou vous le retrouvez, il est répondu. قال رحمه الله وروي متن وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى الشاهد إلا كان الذي في السماء أي الله سبحانه وتعالى في السماء il est sakhit ala hadhihi al-mar'a. Fal-hadith, si on l'explique qalilan, c'est une mise en garde contre les femmes qui refusent d'obéir à leur mari. Et quand ce mari l'appelle cette femme au firash, à avoir des rapports avec elle. Si elle refuse, bien sûr, bila udr, mais si elle a un udr, elle a une excuse, son mari doit prendre en compte cette excuse, lakin bila udr. Et elle refuse, ça c'est très très grave. Très très grave. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. حتى cette femme elle fait les efforts pour que son mari l'accepte et inshallah ta'ala elle fait tawba et elle s'écarte de هذا. Ça nous montre plusieurs choses. Parmi les fawaïd qu'on peut tirer, c'est que هذه الدراسة qu'on fait في الأسماء والصفات في العقيدة. Ce n'est pas faqat des informations, des adillas qu'on apprend, des taqsimat qu'on essaye de mémoriser, des rodod ala ahl al-bida'. Là, ça doit changer notre vie. Limadha li'anna celui ou celle, matalan, si on prend hadha al-mithal, cette femme, si al-shaytan yuwaswis laha, elle refuse ou elle s'apprête à refuser d'avoir des rapports à son mari alors qu'il n'y a pas de raison, si elle se rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala il est fils sama. Il la voit, il l'entend. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé en Allah azza wa jalla, il est au-dessus des cieux, au-dessus de la créature, et il est en colère contre cette femme. Si cette femme, elle se rappelle de hada, la chèque, ça va l'aider à repousser Shaitan, à repousser ses passions, et à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et à obéir à son mari fi hada. Et jamais en sifat, c'est hakada. Celui qui a cette aqida ferme, en Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de lui. وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده. Allah, il est au-dessus de nous. Celui qui a cette conviction, cette aqida, ça va l'aider, jiddan. Avant de faire un péché, avant de faire quelque chose, avant de parler bila ilm, avant de se précipiter, yatadhakkar an Allah, il est au-dessus de lui. Il le voit et il l'entend. Voilà, chacun al insan, il changera son comportement. Ahyanan si tu es dans une situation et Wahed il est au-dessus de toi, maintenant tu es dans la rue et Wahed il est au-dessus de toi, il te regarde, il te voit, je sais qu'il y a certaines choses, peut-être tu ne vas pas les faire, tu ne vas pas les dire, l'imam il est au-dessus, il te voit, c'est un peu chaud. Il ne peut rien te donner, rien t'enlever. Celui qui a هذه العقيدة et bien sûr l'étude de sifat, ça doit nous pousser à avoir ce fruit, c'est ça le fruit de cette étude. Pas faqat connaître les adila par cœur, il a akhiré, et ça ne fait pas bouger notre cœur. Là, c'est pour ça que salaf, c'était atqan nas. C'est eux qui avaient le plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignaient le plus Allah azza wa jal, qui espéraient le plus. Les malades, ils ont appris, ils ont étudié hadha al-bab al-azim, on étudie le Coran al-Karim, au sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont mis en application. Enfin, ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie. Ça c'est très très important et inshallah au fur et à mesure dans cette étude on essaiera de daiman quand on étudie une sifa de se rappeler هذا. قال وروى أبو سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. من في السماء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a démontré à Naomi, ils doivent lui faire confiance. Les mains, matin et soir, il reçoit la révélation. Min Allah. Et Allah, il est fils sama. Qala wa rawa Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم ابن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي عليهم رحمة الله. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم القصة أن معاوية ابن الحكم ne pas confondre avec معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. Ça, c'est un autre compagnon, il s'appelle Mu'awiyah ibn al-Hakam. Il avait une jariya qui s'occupait de ses troupeaux il a akhir. Et il s'est passé quelque chose, elle a perdu une de ses bêtes. Et, radiyallahu anhu, quand il l'a su, il s'est énervé, il l'a frappé. Thumma, il a regretté, radiyallahu anhu. Et il a voulu, pour se faire pardonner, la franchir. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé à hadhihi al-jariya, cette jeune fille. Et il lui a dit, Aïn Allah, il lui a posé cette question. Et pour voir, est-ce que c'est une mu'mina? Aïn Allah, elle a dit, fi sama. Ça nous montre, anna hadhihi al-mas'ala, elle était ma'roufa fi zaman al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hatta hadhihi al-jariya, cette esclave, elle connaissait. C'est pour ça qu'elle a répondu, fils Sama. Vous avez remarqué, elle n'a pas dit je ne sais pas ou pourquoi cette question. Directement, elle a répondu, radiallahu ta'ala anha. Thumma qala, man ana? Il a demandé à cette jeune fille, man ana? Faqalat anta rasulullah. Et tu es le messager d'Allah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, i'tiqha fa innaha mu'mina. Ça, c'est un délil. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté sa réponse. وإلا سَرَيْفَ فَوْ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا رَمَّنْتَ الْرَّحْمَنَ الْمَوْزِيَ فَوْلَطَوْ دِيرَ سَلَّا Et on peut citer des autres anwa' huna. Tu trouveras dans le Coran al-Karim al-tasrih bil-fawqiyya. Et on a cité le dalil. Wa huwa al-qahiru fawqa ibad. Allah il est fawq. Kadhalik qawluhu azza wa jal yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Tu as des adillah fiha fawq. Et vous connaissez tous le mot fawq. C'est au-dessus. Tu trouveras كذلك des adilla فيها التصريح بصعود بعض الاشياء. صعود بعض الاشياء اي des choses qui montent كما قال عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب اي الكلم الطيب les bonnes paroles elles montent عند الله سبحانه وتعالى. Ça montre ان الله il est au-dessus. Il y en a صعود c'est de bas en haut. Vu que les bonnes paroles elles montent عند الله سبحانه وتعالى سموت كالله عز وجل إليه أدسه. كذلك التصريح برفع بعض الأشياء بعض المخلوقات et ça ressemble à ce qu'on vient de citer. قال عز وجل بل رفعه الله إليه قصة عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام أن ils ont pensé qu'il l'avait tué alors que الله سبحانه وتعالى رفعه إليه. الله سبحانه وتعالى il l'a élevé auprès de lui. Ça montre qu'Allah عز وجل إليه أدسه. Il n'y aurait pas, il n'y aurait aucun sens d'employer le mot su'oud ou rafa. Lakin ahlul bid'a ma'a hadhihi al-anwa' al-kathira fi hadhihi sifat, a'iyadan billahi, se sont égarés. Kadhalik, at-tasrih bi tanzil al-kitab minha azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait descendre le livre. Ça montre qu'Allah il est au-dessus. Et anna ce livre il est descendu min indillah. Et la descente, c'est de haut en bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. قال عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Donc c'est Allah qui a fait descendre ce livre. Ça montre que Allah عز وجل, il est au-dessus de ces créatures. كذلك حديث النزول. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن Allah عز وجل ينزل. ينزل كل ليلة آخر ثلث الليل chaque nuit Allah descend. Et hadith al-nuzul c'est un dalil fi haqiqa ala ulou illah. Si Allah descend c'est qu'il est au-dessus subhanahu wa azza wa jal. Al-ulama cite هذه الانواع pour montrer ان هذه المساله مساله العلو والاستواء il y a beaucoup d'adillah et on a cité quelques-uns. كذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Quand ses compagnons رضي الله عنهم ils lui ont dit قد بلغت ونصحت إلى آخر الحديث اللي في الصحيحين. Ils ont dit أن au prophète صلى الله عليه وسلم tu as rempli ta mission, tu as propagé le haq إلى آخر. C'était la fin de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. Il est mort juste après le حج حجة الوداع, le dernier حج qu'il a fait عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم quand ils lui ont dit هذا il a levé le doigt en direction du ciel et il a dit اللهم اشهد اللهم اشهد. فالعلماء عند هذا الحديث cite أن c'est un délit qu'Allah il est au-dessus. اللهم اشهد أي يا الله soit témoin de ce qu'ils ont dit et il a levé son doigt en direction du ciel. Ça montre qu'Allah il est au-dessus des cieux. Et أدلة كثيرة في هذا أي أنواع كثيرة لكن on a résumé. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ومن أو نعم ومن ومن أو نعم ومن أجهل جهلا ومن نعم ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. Après avoir cité حديث معاوية رضي الله عنه أي la question elle est citée. Qui c'est qui a posé cette question? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Aïn Allah. Et taqaddam ma'ana anna al-hadith il est fi sahih muslim. Et ta'lamoun anna kitab al-imam muslim, sahih muslim, c'est le livre le plus authentique. Après al-Bukhari. Non. Et les livres que, bien sûr, les êtres humains, ils ont écrits. Wa illa wa afdal wa asdaq al-kutub, c'est le Qur'an al-Karim. Fa sahih muslim. Al-Umma, ils l'ont accepté. L'A'imma, ils ont accepté ce livre. Sauf certains lafs, certains ahadith que l'A'imma, ils ont démontré. Il y a un imam muslim, ça reste un imam. Yusib wa yukhti. Lakin, hadha, al-hadith, il est sahih. Et al-Hufad, ils l'ont accepté. Walillahi alhamd. Enfin, pourquoi ne pas accepter cette question alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a posé. On doit faire attention à al-hawa. Ahlul Bida', qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu que tu trouveras min ashad al-as'ila ala al-ash'ira wal-mu'tazila wal-jahmiya wa sa'ira ahlul bida' qui ont khalif yad al-mas'ala, c'est cette question. Aïn Allah. Quand ils entendent la question, ils changent, leur visage change. Ibn al-Qayyim, al-imam, rahimahullah, dans son livre, Sawa'iq al-Mursala, il rapporte annahu y a eu une munadara, baynahu wa bayna. Un débat entre lui et une personne qui rejetait et qui ne croyait pas en Allah, il est fils sama. En Allah, il est au-dessus de ses créatures. Et Ibn al-Qayyim il rapporte à un de ses élèves qui était présent, il a cité hada ad-dalil. Ay anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ayna Allah. Ibn al-Qayyim yaqul anna la personne qui était en face de lui, son visage il a changé. Ka annahu il a senti ou il a vu une mauvaise chose. T'alamoun anna, l'être humain, quand tu es dans un endroit et que tu sens une mauvaise odeur ou tu vois quelque chose qui te dérange, l'attitude de la personne, elle change et tu le vois. Annahu, il est mal à l'aise, il a affaire. Ibn al-Qayyim rapporte anna, hadha al-rajul, il a changé quand il a entendu un soual. Alors que c'est un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Lakin al-hawa, si on ne fait pas attention aux passions et aux avis personnels, vu que ha'oula, ils sont persuadés que Allah, il n'est pas fils sama. Et pour eux, c'est du kufr de dire que Allah il est vis-sama. Ils n'acceptent pas ça, malgré que c'est le prophète alayhi sallam qui l'a dit. Lakin ahlul bida', ils ont du makr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Al-ash'ira wa ghayruhum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit al-hadith fihi dha'f. Hakada al-munharif. Imma il va déformer le hadith ou le verset du Coran, imma il va rejeter la preuve. Al-Coran ils peuvent pas, c'est pour ça que l'ash'ira في ما يتعلق بالآيات الآيات القرآنية مثلا ثم استوى على العرش نعم يفون دير استوى لكن بمعنى استولى يدفع أما الأحاديث فكثير منهم ils ont pas besoin de déformer les mains لأنهم عيادا بالله ils ont une autre حيلة un autre égarement ils disent الحديث اللي ضعيف فلهذا كثير من أهل البدع يضعفون هذا الحديث المساكين même si on قدر on dit le hadith فلان فلان ils l'ont ضعف et on prend le قول أنه مثلا si on قدر أنه il est ضعيف et tous les autres أدلة قوله عز وجل أأمنتم من في السماء في سورة الملك qu'est-ce qu'on va dire في السماء قال عز وجل et tous les أدلة qu'on a cité هؤلاء انحرفوا c'est à cause de leur passion c'est pas un manque de ilm عند الأشاعرة والمعتزلة والجهمية c'est pas un manque de ilm لا عياذا بالله c'est le هوى qu'il y a dans leur cœur et ils se sont égarés enfin, poser cette question il n'y a aucun mal بل le mal c'est celui qui répond pas ou qui se trompe dans la réponse أما la question comme قال الإمام المقدسي رحمه الله صاحب الشريعة celui qui l'a posé c'est le prophète عليه الصلاة والسلام et c'est notre exemple لكن لماذا أهل البدع والضلال ils n'aiment pas cette question لماذا لأن ils ont un problème dans la réponse لأن si tu acceptes la question c'est que tu acceptes le hadith si tu acceptes la question de ce hadith tu dois accepter la réponse في السماء et هم ils se sont égarés في هذا ثم قال وروى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري الشاهد من فوق سبع سماوات زينب la femme du prophète عليه الصلاة والسلام et elle disait en parlant des autres femmes du prophète عليه الصلاة والسلام أن c'est leur famille qui les ont mariées إما leur père أو leur ولي Et elle disait, elle, c'est qui l'a mariée? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Min fawqi sab'i samawat. Et au-dessus des cieux, au-dessus des sept cieux, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a choisi pour le prophète alayhi salatu wa salam. Qala wa fi hadith Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhakara al-mu'min 'inda mawtihi wa annahu yu'raj bi ruhihi hatta yantahi ila as-sama' allati fiha Allah 'azza wa jalla. تقدم معنا هذا الحديث الحديث الطويل كذلك عن يعني البراء ابن عازب رضي الله عنه حديث عذاب القبر ونعيم القبر quand l'âme elle remonte quand l'insan il est enterré et des anges ils prennent son âme et ils montent premier ciel deuxième ciel il a akhiré وجاء في الحديث حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله ça montre que Allah il est au-dessus لأن l'âme الآن elle est montée de la terre tombe à premier ciel tombe à deuxième ciel il a arrêté hatta le ciel Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de ce dernier ciel ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus قال رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما نعم il a cité هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه il est صحيح كما قال المحقق et كذلك tu peux rajouter et il a cité le محقق حديث البراء بن عازب et il est معروف on l'a déjà expliquer ensemble. قال وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ قال رواه أبو القاسم الطبري في سننه قال في الحاشية ضعيف والشاهد منه ذكر السماء نعم ربنا الله الذي في السماء فسحديث إلى ضعيف لكن on a beaucoup de preuves qui montrent هذا قال وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها هذا الكتاب. Beaucoup de adillah. Celui qui veut beaucoup de preuves في هذا et يريد التوسع. Il veut traiter ce sujet beaucoup plus détaillé que ce qu'on vient de faire. Tu as deux références في هذا. Et connaître les références في العلم c'est مهم. Inch'Allah dans cette étude de l'aqida on en citera. Et c'est très très important pour talibul ilm de connaître les références. Léanna, tu ne peux pas apprendre toutes les preuves. Tu ne peux pas lire kalam ahl al-ilm toutes les paroles des savants dans ce dars, on ne peut pas tous citer là, ce n'est pas le but et ce n'est pas une méthode. Mais connaître les références, c'est muhim. Hatta le jour où tu veux détailler, le jour où tu veux une explication d'un dalil qu'on n'a pas cité, ou le hukm d'un savant, est-ce que ce hadith est va'if amla, et autre chose qui est liée à cette mas'ala, al-ulu wa al-istiwa, an Allah il est au-dessus, tu auras les références et tu sauras quel livre acheter. Et c'est valable hada pour le fiqh, pour l'aqida, pour le tawhid, pour jamais al-mas'ala, la langue arabe, etc. Connaître les références, c'est très très important. On peut citer, on a deux références. Le premier livre de l'imam Al-Zahabi, rahimahullah, Kitab Al-Ulu, Lil-Ali Al-Ghaffar, de l'imam Al-Zahabi, rahimahullah. Ils l'ont imprimé en plusieurs volumes, en deux ou trois volumes. Et c'est une référence, Philippe. Il cite beaucoup de preuves fi mas'alati Al-Ulu. Et l'imam Al-Albani, rahimahullah, il l'a résumé et il l'a simplifié. Mukhtasar Al-Ulu de l'imam Al-Albani, rahimahullah, et kadhalik, il a authentifié les hadiths et il a démontré la faiblesse de certains hadiths. Ça, c'est le premier livre, Kitab Al-Ulu de l'imam Al-Zahabi. Le deuxième livre, Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyya, Ala Harb Al-Mu'attila Al-Jahmiyya, de l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah. Deuxième livre de l'imam Ibn Al-Qayyim, et il a cité cette masala, et c'est une réfutation contre Al-Mu'attila Al-Jahmiyya, qui ont rejeté le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, au-dessus de sa créature subhanahu. نكمل قال ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله ومنكر للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui après avoir lu ces preuves من القرآن من السنة qui rejette et qui nie et qui prétend que Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas au-dessus des créatures au-dessus des cieux, il est à la voilà le mobile. C'est très très grave. C'est très très grave. Et s'il s'entêtait ici, c'est du kufr billahi azza wa jal. Et maintenant, on a beaucoup d'adillah. L'imam al-Qayyim parle plus de mille d'adillah. Et tu as dans, on a cité le Coran, le Sunna, il a akhiré tout ce qu'on vient de lire ensemble. Enfin, rejeter hada, c'est très très grave. Wa'lam anna al-mukhalifuna fi hada al-bab. Tu as deux groupes qui se sont égarés via hadha al-bab. Deux groupes qui ont khalif al-salaf fi hadha al-bab et fi mas'alat al-ulu. Al-hululiyya, alladhina yaqulun anna Allah il est fi kulli makan. Ka ba'd al-jahmiyya, et ce qawl il est connu à notre époque عند al-soufiyya al-dullal. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il est partout. Avec toutes ces preuves, من القرآن من السنة avec l'unanimité إلى آخره عيادا بالله ils se sont égarés, ils ont dit Allah il est partout. Le deuxième groupe, المعطلة الذين قالوا أن الله ليس فوق العالم ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم. Ça c'est المعطلة الجهمية. Ils disent tu dis pas qu'Allah il est au-dessus, tu dis pas qu'il est en dessous, tu dis pas qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur de ces créatures. عندهم tu peux pas dire ça. في الحقيقة كما قال بعض أهل العلم, ils ont défini العدم. Si Allah il est pas au dessus, il est pas en dessous, il est à l'akhiré, الحقيقة c'est العدم, c'est le néant, c'est quelque chose qui n'existe pas. أما المؤمن يقول أن الله عز وجل il est au dessus de ses créatures كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده. Il est au-dessus de ses ibad, subhanahu wa ta'ala. Et inshallah, on détaillera akthar dans les prochains livres. Lianna ar-rudud ala ha'oula, il faut un minimum de connaissances et kadalik, il faut du temps pour pouvoir répondre à ha'oula. Ceux qui disent qu'Allah il est partout et kadalik, ceux qui disent que tu ne peux pas dire qu'Allah il est au-dessus. Fa ha'oula, c'est des dhullal khalafu al-adillah al-sam'iyya wa khalafu kadalik. Al-aql, ceux qui disent qu'Allah il est partout, ou ceux qui rejettent en Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ses créatures, al-haqiqa, ils ont contredit les textes du Coran et de la Sunna, ils ont contredit l'unanimité des savants, et c'est très très grave, c'est de l'égarement, comme ataqaddam. Kadhalik, ils ont khalif l'aql. Lianna al-fitra wal-aql, al-haqiqa, ça prouve, ça montre en Allah il est au-dessus. On parle de sifat al-ulu. أما صفة الاستواء فالعلماء يذكرون أن c'est une صفة سمعية qu'on verra dans les تقسيمات pour pouvoir savoir la بد من دليل. أما صفة العلو حتى العقل حتى الفطرة في الحقيقة celui qui a la فطرة سليمة il n'a pas été touché par les innovations, il a accéléré par les khurafat. Enfin, son cœur, sa fitra, il saura qu'Allah il est au-dessus. Et on conclut avec Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, fi Sharh al-Wasitiyya, il l'a cité une histoire en Abu al-Ma'ali al-Juwayni, قال عفى الله عنه, Imam al-Haramain, c'est un Ash'ari. قال شيخ ابن عثيمين يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على عرشه بل ينكر علو الله بذاته. ça c'est مذهب الأشاعرة. يغجت الاستواء يغجت العلو. فقال له أبو العلاء الهمذاني أبو المعالي الجويني الأشعري يغجته هو صفة العلو والاستواء. pour eux Allah il était pas au-dessus de son trône إلى آخره. معروف عقيدة الأشاعرة. إن شاء الله qu'on détaillera dans ces dorus. فأبو العلاء الهمذاني qui était présent il lui a dit il a dit à الجويني يا أستاذ قال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش أي أبو العلاء il a dit à الجويني on ne parle plus de الاستواء والعرش إلى آخره tout ce qui est cité في القرآن الأدلة il lui a dit on ne parle plus de cela لماذا لأن أشعري donne pas d'importance à هذه الأدلة et أبو العلاء il était ذكي il voulait faire Il voulait lui citer la raison comme délit. قال دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش يعني لأن قال شيخ ابن تيمية يعني لأن دليله سمعي ولو أن الله ما أخبرنا عن هذا ما علمنا. نعم. أما الاستواء كما تقدم صفة سمعية نقلية. tu es obligé d'avoir un dalil pour savoir. c'est pas comme العلو. certaines صفات tu as حتى الفطرة والعقل الprouve هذا. قال دونك ابو العلاء quand il lui a dit دلس الاستواء الى اخره قال اخبرنا عن هذه الضروره التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو قال رحمه الله il lui a demandé explique nous pourquoi ما من مؤمن ما من عابد كي invoque Allah subhanahu wa ta'ala il ressent dans son cœur daruratan c'est tout le monde, c'est fait le fitra tu ressens un al-ittijah ou qala na'am illa wajada min qalbi daruratan bi talab al-ulu na'am tu ressens هذا الطلب tu fais du'a et tu te diriges vers le sama limadha li'anna tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça que quand on lève nos mains et l'akhiri on a ce ressenti quand on fait du'a طلب العلو. personne fait دعاء et regarde par terre il a akhri abad. fa il lui a posé cette question explique nous هذا. on délaisse les adilla, on délaisse l'aqwal explique nous هذا. ce point. cette fitra pourquoi on l'a tous. fa قال الشيخ ابن عثيمين فجعل اي ابو المعالي الجويني فجعل يضرب على راسه. il frappait, il tapait sur sa tête وكان يقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني حيران حيران c'est tu sais plus quoi répondre et il l'a bloqué et la haqiqa normalement هذا ça doit pousser à tawba ça doit pousser à accepter لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات on a fini المتن أو بقي quelques athar qu'on finit وقال مالك بن أنس رحمه الله الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان هذا c'est important وتقدم معنا الإجماع أن الله سبحانه وتعالى إلي في السماء أي على السماء au-dessus des cieux سيأتي معنا أن في en langue arabe يأتي بمعنى على في الأرض أي على الأرض وعلمه في كل مكان أما la science d'Allah نعم الله il sait tout الله il entend tout الله il voit tout أما الله سبحانه وتعالى إلي au-dessus des cieux au-dessus de la créature لا يخلو من علمه مكان نعم الله il sait tout عز وجل وقال الشافعي رحمه الله خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أما هذا الأثر قال في الحاشية ضعيف جدا أما la parole de l'imam Malik قال صحيح L'imam Abu Dawud, il l'a rapporté fi masail l'imam Ahmed. Amma la parole de l'imam Shafi'i fa da'ifa. Et là, chaque an ne pas comprendre أن الإمام الشافعي إلى بس عقيدة لا الإمام الشافعي لا شك سي من أئمة السنة إلى بس عقيدة أن الله اللي في السماء لكن هذا الأثر بهذا اللفظ لا شين دو ترانسميسيون يون فيبلس ولا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله إلى بس عقيدة وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. Ça, c'est la parole de certains innovateurs, certains groupes qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous, avec la créature. Ayyadun billah, il est partout. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il est فوق السماوات, ba'inan min khalqi. Ba'inan ay munfassilan, il n'est pas avec sa créature, azza wa jal. Là, il est au-dessus. Lakin, il est avec sa créature, avec ilmihi, il est akhir. Fadhahab al-waqt naktafi bihad al-qadr. Et, alhamdulillah, c'est un aperçu tayyib de cette sifa, sifat al-istiwa et kadalik sifat al-ulu. On a résumé et on répète, inshallah, les choses qu'on n'a pas citées aujourd'hui, on les citera dans d'autres livres. L'Inna Hada, c'est le premier livre, et al-murad, l'essentiel, on a le but, c'est al-ikhtisar, résumer, et de comprendre cette aqidah. Un tome 1, quand vous allez réviser, vous révisez bab al-istiwa ou al-ulu. Avec un dalil min al-Qur'an, si tu peux apprendre un dalil min al-Sunnah, tu connais aqidat al-Salaf, annahum yu'minuna bihada al-istiwa sans faire de tahrif, de tekif ila akhirah, et inshallah yakfi. Et tu sais kadalik anna al-umma ajma'at ala hada, anna l'unanimité de la umma, l'unanimité des savants ala hada, falhamdulillah. Wa illa, il manque des choses qu'on citera plus tard, khasatan al-rudud ala al-hululiyya, كذلك على الأشاعرة سكي إكسبليك الاستواء بار استولى. Et هذا on l'a vu avec certains frères filamia. Inch'Allah on répétera في الواسطية إذا استطعنا بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا والحمد لله.